Après ces panneaux, la vitesse sera limitée à 90 km/h, réponse A, 110 km/h, réponse B, 130 km/h, réponse C.